Vous buvez du café tous les matins? Oui, j'en bois tous les matins. Vous achetez du pain tous les jours? Oui, j'en achète tous les jours. Vous mangez du poisson tous les vendredis? Oui, j'en mange tous les vendredis. Vous faites des exercices tous les soirs? Oui, j'en fais tous les soirs. Vous faites du sport tous les dimanches? Oui, j'en fais tous les dimanches.